Nyanga. Mardi 23 novembre, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord le sommaire. Les négociations entre le Burundi et l'Union européenne pour normaliser les relations diplomatiques et la levée des sanctions contre le Burundi sont très avancées, ceci est dit par Albert Shingiro, ministre en charge de la coopération internationale, après que les États-Unis aient levé les sanctions contre le Burundi et certaines autorités burundaises. Le décret présidentiel du 18 novembre de cette année stipule qu'un ancien combattant peut être engagé dans les corps de défense et de sécurité en qualité de personnel civil. C'est après que plusieurs plaintes des combattants qu'ils étaient laissés à eux-mêmes, vous l'entendrez. Et la boisson alcoolisée dénommée Caribou, emballée dans des petites bouteilles en plastique, n'est plus vendue dans les zones de Kinama et Kamenge, comme l'avait recommandé le ministre de l'Intérieur. Mais certains des consommateurs affirment que la hausse du prix de ce produit les limite dans la consommation. Un ancien combattant, je vous le disais dans le titre, peut être engagé dans les corps de défense et de sécurité en qualité de personnel civil, selon l'article 5 du décret présidentiel du 18 novembre de cette année. L'article 4 du dit décret précise que cette catégorie de personnes peut bénéficier d'un appui du gouvernement ou d'autres partenaires s'ils sont regroupés en associations ou coopératives de développement. D'autres précisions avec Mireille Kanyang. Cela étant, l'Association nationale des anciens combattants handicapés apprécie le décret présidentiel portant statut des anciens combattants au Burundi. Emmanuel Minani, représentant de cette association, précise que cela constitue une reconnaissance légale de cette catégorie des Burundais. Il attend la mise en application. On l'écoute. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les négociations entre le Burundi et l'Union européenne pour normaliser les relations diplomatiques et la levée des sanctions contre le Burundi sont très avancées. Ceci est dit par Albert Shingiro, ministre en charge de la coopération internationale, après que les États-Unis aient levé les sanctions contre le Burundi et certaines autorités burundaises. On l'écoute. La levée des sanctions prises contre le Burundi par les pays de l'Union européenne est une question de temps, sinon le principe de l'élever est déjà acquis. Donc c'est probablement une question de bureaucratie parce que il faut que les 27 États membres de l'Union puissent avoir un consensus ou s'entendre. C'est pas comme les États-Unis qui ont agi en tant qu'État seul, indépendant, capable d'agir sans consulter qui que ce soit. Nous pensons que dans un avenir très proche, l'Union européenne aussi va emboîter le pas aux États-Unis pour enlever ces sanctions parce que le contexte dans lequel elles ont été prises n'est plus d'actualité. Actuellement, notre pays est très avancé, que ce soit sur le plan des droits humains, la question de la bonne gouvernance, la question de la lutte contre la pauvreté, la question de la lutte contre la corruption. Le climat est favorable pour enlever ces sanctions qui sont devenues en fait des sanctions inutiles dans un contexte actuel. Les États-Unis viennent de lever certaines sanctions ciblées au moment où l'Union européenne maintient ces sanctions. Comparativement, est-ce que vous pouvez faire une réaction par rapport à ces deux décisions? Les États-Unis agissent en tant que pays indépendant, je le disais tantôt, alors que l'Union européenne est un groupe régional composé de 27 États membres qui doivent s'asseoir pour prendre certaines décisions. Donc c'est certainement à cause de cette bureaucratie du nombre de pays qui doivent se prononcer là-dessus. Ce serait peut-être cette raison que ça a pris un peu de temps par rapport aux États-Unis qui ont pris une décision historique et pragmatique. Le ministre Shingiro a été joint au téléphone par Raissa Liliane Inamahoro. Les États-Unis et l'Union européenne travaillent généralement dans la complémentarité dans la prise de décisions diplomatiques. C'est l'analyse de Pascal Nionidiguié, professeur d'université, expert en relations internationales, après que les États-Unis aient levé les sanctions prises contre le Burundi, alors que l'Union européenne a renouvelé leurs sanctions contre Gitega. Il croit que les pays européens vont lever ces sanctions contre le Burundi. Toutefois, selon lui, tout dépend de l'introspection du Burundi. On l'écoute. Les sanctions qui avaient été prises contre Burundi à partir de 2015 à cause des événements tragiques qui s'étaient déroulés dans ce pays, ce sont des sanctions qui commencent à être levées, notamment par les États-Unis d'Amérique, comme vous le soulignez. Mais aussi, il faut reconnaître que l'Union européenne a fait une avancée remarquable parce qu'elle a accepté de négocier avec le gouvernement burundais sur le rétablissement des relations normales entre les deux partenaires. Et vous savez très bien que l'Union européenne, c'est un acteur important de la communauté internationale. Bien sûr que tout ne va pas se faire d'un coup. L'Union européenne a encore des arguments qui sont en quelque sorte, confrontés aux arguments du gouvernement burundais. Et les deux partenaires doivent négocier. Et négocier, ça veut dire arriver à un compromis. Mais je dirais déjà, le fait de négocier, c'est un signe que les deux partenaires se reconnaissent comme étant tous devant la nécessité de trouver un modus vivendi, ça veut dire arriver à un compromis. Et c'est ça qui est attendu. Je crois que la volonté existe des deux côtés. On parle des avancées importantes. Les États-Unis l'ont souligné par le biais de l'ambassadeur qui a été reçu par le président de la République à Gitega, dans la capitale du Burundi. Ce ne sont pas des visions différentes, ce sont des visions complémentaires. Parce que l'Union européenne, tout comme les États-Unis d'Amérique, font partie d'un même champ géostratégique qu'on appelle l'atlantisme. Donc, et les États-Unis et l'Union européenne ont des diplomaties qui sont beaucoup plus complémentaires que contradictoires. Je crois que la balle est dans notre camp, comme c'est de notre intérêt pour que l'Union européenne et les États-Unis puissent lever toutes les sanctions. L'expert en relations internationales, Pascal Nionidiguié, était au micro de Linibel Nibigira. Parlons agriculture à présent. La coopération agricole est basée sur l'échange d'expertise et des produits agricoles. L'un des points analysés lors d'une réunion à huis clos ce lundi entre le ministre en charge de l'agriculture et son homologue de la RDC, ainsi qu'avec différents partenaires intervenant dans ce domaine. Au terme de cette rencontre, les parties prennent ont précisé qu'une commission mixte des experts burundais et congolais sera créée pour analyser et mettre en exécution des conclusions issues de cette rencontre. Les détails avec René Lamoucho. L'un des points analysés est la création d'une commission mixte d'experts burundais et congolais pour mettre en place une feuille de route sur l'échange d'expériences et des produits agricoles entre ces deux pays. Le ministre burundais en charge de l'agriculture, Deogi de Lulema, souligne qu'il compte redynamiser l'Institut de recherche agricole zootechnique de la sous-région IRAS. L'Institut IRAS nous concerne tous, mais comme vous le savez, à cause du passé, il n'est pas fonctionnel. Nous allons nous concerter dans un proche avenir avec mon homologue du Congo, mais aussi voir comment rencontrer celui du Rwanda pour relancer l'IRAS. Et ça se trouve dans notre agenda. Autre chose, vous savez que nous avons un projet dans la région qui est appuyé par la Banque mondiale. En RDC, ils ont investi à 150 millions de dollars américains et le Burundi à 76 millions de dollars américains. Et il y a des projets qui doivent être mis ensemble pour suivre leur évolution. Le ministre congolais ajoute qu'il veut mettre en collaboration les usines de fabrication d'engrais chimiques du Burundi et de la RDC. Il a été noté que nous avons des instituts de recherche agronomique qui sont nombreux en RDC. Nous avons des centres agro-pastoraux de semences améliorées qui sont aussi nombreux. Nous allons les mettre en branle pour que également cette expérience ou cela puisse bénéficier au pays frère, le Burundi. Et ensuite, il y a les échanges ou les envois des semences par rapport à ce que nous avons vu. Par exemple, au lieu que nous continuions à prendre des semences là, des pays lointains comme l'Afrique du Sud, comme la Zambie, le Zimbabwe et autres, si au Burundi il y a les semences, nous pourrons facilement également échanger et s'envoyer des semences. De la même manière que cette expérience du Burundi pourra être ramenée au Congo avec une expérience de 50 à 100 000 hectares par exemple, qu'on essaie de créer ces champs sémenciers pour servir les provinces de la République du Congo. Parce que vous savez, la RDC c'est un petit continent et que seul on ne peut pas faire ce travail sans l'appui des autres. Le ministre de la RDC en charge de l'agriculture a effectué une visite de 5 jours au Burundi dans le cadre de concrétiser les échanges qui ont eu lieu en juillet 2021 entre le président burundais et son homologue de la RDC. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, un ancien combattant peut être engagé dans les cours de défense et de sécurité en qualité de personnel civil, selon l'article 5 du décret présidentiel du 18 novembre de cette année. L'article 4 du dit décret précise que cette catégorie de personnes peut bénéficier d'un appui du gouvernement ou d'autres partenaires s'ils sont regroupés en associations ou coopératives de développement. D'autres précisions avec Marie Kanyang. Ce décret présidentiel du 18 de ce mois, en 17 articles, définit à l'article 2e, un ancien combattant comme toute personne membre des ex-forces armées burundaises FAB ou ex-partis et mouvements politiques armés, ex-PMPA, ayant été démobilisés, ainsi que d'autres vocables. L'article 3, lui, souligne que les démobilisés non couverts par la filiation a posteriori à l'Institut national de sécurité sociale sont intégrés dans le mécanisme du rachat de carrière. Le même décret, en son article 6e, précise qu'un ancien combattant peut bénéficier des titres et distinctions honorifiques le jour de la célébration de l'indépendance et des fêtes militaires, selon les moyens disponibles. Selon l'article 10 du dit décret, un ancien combattant handicapé bénéficie de la part du gouvernement d'une ration alimentaire, des soins de santé et des produits pharmaceutiques liés à son handicap. Un ancien combattant handicapé peut accéder à l'emploi public ou parapublic, y compris des postes de responsabilité. En cas de décès d'un ancien combattant handicapé, ou de ses ayants droit, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants prend en charge les frais funéraires. Merci à Mary Kanyang pour tous ces détails. L'Association nationale des anciens combattants handicapés apprécie le décret présidentiel et portant statut des anciens combattants au Burundi. Emmanuel Minani, représentant de cette association, précise que cela constitue une reconnaissance légale de cette catégorie des Burundais. Il attend la mise en application. L'écoute. Au nom de la NACOH et des anciens combattants regroupés en cette association, je voulais d'abord remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a entendu ce que nous avons longtemps sollicité. Et cela, dans notre association, était notre préoccupation. Parce que quand il y a une loi, c'est une spécification. Chacun, en ce qui le concerne, doit savoir ses droits. Même ses réclamations doivent être basées aussi sur la loi. Avoir un statut registré des anciens combattants est une chose assez importante pour nous. Parce qu'on réclamait ce statut en ce qui concerne d'abord les soins de santé, en ce qui concerne la vie quotidienne des anciens combattants, surtout handicapés, qui pour le moment, sont éparpillés sur tout le territoire national et qui vivent dans des conditions assez difficiles. Quelques-uns ne sont pas capables à se déplacer facilement. Ils n'avaient même pas accès aux soins de santé suite à la situation géographique de leur emplacement. Alors, je voudrais dire que c'est un honneur. C'est aussi une grande joie pour les anciens combattants de la NACOH qui, après avoir entendu ce décret, ils sont vraiment fiers. Dès que la loi sera appliquée, ils vont savoir les droits, les réclamations. C'est un enthousiasme dans les anciens combattants. Poursuivons ce journal par cet incident meurtrier. Un homme répondant au nom de Didier Dusabimana a été électrocuté le matin de ce mardi. L'incident a eu lieu dans une canalisation à la première avenue de la zone Giza. Les témoins sur place disent que la victime était en train de déboucher le caniveau qui ne laissait plus passer les eaux de pluie à cause des ordures qui ont été jetées. Les détails avec Oben Yongour. La victime de l'électrocution était en train de déboucher la canalisation se trouvant à la première avenue numéro 22 dans la zone urbaine d'Obgiza, selon les témoins sur place. Cette conduite d'eau était bouchée depuis quelque peu à cause d'une mauvaise habitude des gens qui y jettent des ordures, dont des bouteilles en plastique. Dans ce caniveau, il y avait aussi des fils concertinants qui étaient en contact direct avec des fils électriques. Le disparu Didier Dusabimana a été électrocuté alors qu'il tentait de soutirer ses fils par belé. Ceux qui étaient dans les environs ont essayé de le sauver, mais il était déjà mort, racontait-il. Didier Dusabimana était originaire de la zone Maramirundi, en commune Busiga de la province de Ngozi. Il exerçait le métier de cordonnier. Merci à Oben Yongrou pour tous ces détails. Page éducation à présent, plus de 300 enseignants de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura, parmi plus de 700 qui comptent la direction communale, habitent à l'extérieur de cette commune. L'un des facteurs d'échec, selon le directeur communal de l'enseignement, cette commune, Georges Bizimana, l'a dit lors d'une réunion de tous les partenaires de l'éducation. Une réunion tenue ce lundi dans les locaux de la commune Mutimbuzi. Le président du Sénat burundais a rappelé le comportement d'un bon leader qui doit aussi respecter les heures de travail. Les détails avec Spes Caritas Kavanyana. La commune de Mutimbuzi compte 745 enseignants, dont 324 qui habitent à l'extérieur de cette commune. L'une des causes des échecs, selon le directeur communal de l'enseignement, Georges Nzeimana, l'a déclaré ce lundi lors d'une réunion de tous les partenaires dans le domaine de l'éducation, une réunion qui s'est tenue dans les enceintes de la commune de Mutimbuzi. De son côté, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat burundais, a rappelé aux participants à cette réunion les comportements d'un leader responsable, le respect des lois, la déontologie professionnelle, l'amour du travail et le respect du temps de travail. Cette commune de Mutimbuzi enregistre un grand déficit en personnel enseignant, selon le directeur communal de l'enseignement, qui a précisé que la commune manque 176 enseignants qui pourraient s'ajouter à 745 déjà disponibles aujourd'hui. Et provisoirement, la direction communale de l'enseignement compte 96 enseignants bénévoles. Spes Caritas Kavanyana en commune Mutimbuzi pour Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser et surmonter les tensions anormales de la vie. Le psychologue Alain Joseph Hatungimana indique qu'un des signes indicateurs de la présence d'un trouble de santé mentale est l'isolement. Yvette Nijimbere nous en dit plus. La santé mentale diffère de la maladie mentale. Le psychologue Alain Joseph Hatungimana définit les maladies mentales comme des altérations de la pensée qui sont associées à un état de détresse et à un dysfonctionnement marqué. Pour bien différencier la santé mentale et la maladie mentale, il faudrait qu'on revienne sur deux aspects de la santé mentale, parlant du bien-être psychologique qui est basé sur les relations positives avec autrui, la maîtrise de soi, l'autonomie en sentiment du but et en sens de vie, et sur le développement personnel. Tandis que la maladie mentale se définit comme des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne et qui lui causent la détresse ou la souffrance. Parmi les facteurs déterminants des maladies mentales figurent les facteurs sociaux et culturels qui affectent l'individu et qui nuisent à son fonctionnement, explique Alain Joseph Hatungimana. Les facteurs socio-économiques, les facteurs sociaux. Si on revient sur les facteurs biologiques, des fois on va parler de la santé mentale tout court avec les maladies chroniques qu'on peut attraper. Il y a les facteurs génétiques, il y a les facteurs du genre. Mais aussi, parlant du facteur psychologique, on va parler de la personnalité, de la personne, on va parler des compétences psychosociales, on va parler de l'enfance, de ce qui est développement de la personne, et surtout avec le parcours de la vie. On va parler des expériences négatives dans la petite enfance, mais aussi on peut parler de statut migratoire. Si on revient sur la situation économique, c'est là où on va parler des statuts socio-économiques. On va parler de l'emploi, des revenus, mais aussi de niveau de l'éducation. Nous pouvons revenir sur les inégalités sociales, nous pouvons revenir sur les services sociaux, mais aussi on peut parler de l'exposition à la violence et à la criminalité. Des troubles de langage ou l'isolement peuvent être un des signes indicateurs d'un trouble de santé mentale. La personne s'éloigne ou s'isole des autres ou des activités habituelles. La personne peut avoir ou ne pas avoir de l'énergie. La personne peut se sentir vide ou à plat pour ne rien aimer. La personne peut se sentir impuissant ou désespéré. La personne peut fumer ou boire des drogues plus qu'à l'habitude pour se souiller. La personne peut se sentir plus confus, distrait, irritable, en colère, inquiet ou craintif. La personne peut avoir des pensées envahissantes. Quelles sont les mesures à adopter pour maintenir une bonne santé mentale? Comment traiter les maladies mentales? C'est dans notre prochaine chronique santé. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakidiman pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.